Eh ben on y va, voilà. Hein. est-ce que je t'ai mis le bon micro? Bah non, ils ont été intervertis. Ah. Ils nous font des mûches, là, c'est pas possible. Ça va Thibaut? Eh ben ouais, impec, et toi? Oui, et vous? Tu es revenu, oui, car nous ne sommes pas tout seuls. Oui. Célia est arrivée, mais alors au quart de mille poil. Hein, ouais. Il était 19h59 et 52 secondes. C'est ça, pile poil à l'heure. Carrément, c'est bon ça. Nous sommes à 3 en votre compagnie pour Pyongyang City Rockers numéro 334. Oui. Et on a 1 heure et 3 minutes et 45 secondes de musique. Générique compris, hein. Non, enfin générique. Voilà, donc je pense que là on peut balancer. Allez, on va lancer la playlist. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais là on peut lancer la playlist et puis on revient dans une heure pour dire hey, salut les gars. les filles. Ah bon, bah non, on va pas faire ça quand même. Surtout que la semaine dernière, on a quand même fait un gros raté, vu que je voulais parler de trucs mexicains, alors, donc j'avais sélectionné deux ou trois trucs. T'avais mis ton plus beau sombrero. Ouais, mon plus beau sombrero, exactement. Et puis en fait, on avait un disque qui venait de nous être livré, celui de cuir. Ah ouais. Voilà. Et sur lequel, un des titres de la face B, c'est un air de Mexico. Et comme des cons, on s'en est aperçu, mais il était 21h et 2 minutes. Bah, t'as vu le titre là, on aurait pu le passer. Merde. Voilà. Et bien, donc, vengeance. Puisque c'est ainsi, c'est maintenant que va passer un air de Mexico de cuir. Comme on vous a prévenu sur le dans le texte qui accompagne le flyer sur le réseau social, c'est une émission qui va être pleine de. De gentillesse, de fleurs, de sucre. Lourd. Non, voilà. Pas du tout. Et donc voici Cuir qui lui aussi fait de la musiquette, de la dentelle, de la pop. Quasiment. Non, c'est pas vrai. Vous allez pouvoir en juger tout de suite. Cuir avec un air de Mexico. Vous êtes bien sur Radio Campus, je ne m'entends pas, c'est bizarre. Vous êtes bien sur Radio Campus, les casques grésillent, les micros sont flagada. Flagada. Et c'est Pyongyang City Rockers. Et on vient d'écouter Cuir. Et moi, je voulais faire un coup de gueule parce qu'il y en a plein qui disent Cuir, toujours pareil, nanani, nanana. Moi, en vrai, je trouve que son nouvel album, là, il est vraiment, il détonne un peu plus de ce qu'il avait fait avant, que le son, il est. mille fois mieux, que les thèmes abordés sont vraiment marrants, drôles et qui sortent un peu de... Tu crois que tu vas en avoir un gratuit d'album? Ah, bah, écoute, je vais demander Doug, voilà, sûrement filer un gratuit pour cette belle promotion que je viens de te faire. Bah, faut que t'envoies des thunes à Gaël, voilà. Sans deck, il est bon cet album. Ouais, mais je sais pourquoi les gens aiment pas. M'envoie pas, m'invite pas chez toi si ton canapé c'est un château d'Axe, il me servira de latrine après une rasade de fax. Écoute, c'est pas. Voilà, faut aimer. Nous, on aime, tourner, mais vous êtes pas obligés. Alors Célia, t'avais trouvé quelque chose qui ressemblait à ben Tipeee. Ouais, j'ai découvert ça grâce au patron du hardcore. Qui a partagé ça sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Catharsy et ça ressemble un peu à Cuir. C'est un groupe de Saint-Pons basque. L'album, il bouge bien. Ils ont sorti un premier LP en 2023 sur le label Discos Enfermos. Enfermos, pardon. C'est pas même des coups de disque, Axe. Non. Merde. Alors. Non, même pas. Ah, c'est le chanteur de Gourse, non? Qui chante dedans, je crois, ou qui joue dedans. Alors là, je sais pas. Je crois qu'on m'a dit ça. À vérifier. C'est bon de voir, là. À vérifier. Mais du coup, ça me fait penser que, ouais, putain, la venue de Gourse lundi, donc pas celui-là, celui d'avant au CCL. Et puis tous les autres groupes qui étaient là, c'était une super soirée. Ouais, c'est vraiment une grosse soirée. Et gros plaisir de revoir ces basques. Mais il me semble que du coup, c'est le quinteur qui est le chanteur, il fait partie. Mais j'ai pas encore écouté, alors du coup. Bon, tu vas aller écouter son morceau ou pas? Ouais! Et bah du coup j'ai choisi le morceau Cruel et il est à Guero Bizi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie après la mort, j'ai cherché. Wow. Excellent. Bon bah les vlogs, Catharsy. Ciao. C'est absolument n'importe quoi. Bah non, c'est absolument vachement bien. Ouais, ouais, non, mais moi je parle de la table de mixage. Vous êtes à Radio Campus ou pas? Bon. Bon, du coup, on confirme que c'est bien. Il y a bien le chanteur de Gourz et même peut-être d'autres membres. Oula. Ouais. Et heureusement qu'il y a des gens qui s'y connaissent, qui nous écoutent, hein, parce que dis donc, c'est sinon. Ouais. D'ailleurs, si les gens qui, s'il y en a qui veulent nous passer des messages, qu'ils le fassent en dehors des, enfin pendant les plages musicales, en dehors des moments où on parle, au 03 62 26 89 18, c'est le numéro du studio. On essaiera de décrocher. Carrément, carrément. Mais écoute, on va continuer dans l'espagnol, la mort et tout ça. Non, mais avant, c'était pas espagnol, hein, c'était du basque. Basque, effectivement. Mais souvent, les Espagnols, ils chantent pas. Il y a pas mal d'espagnol dans Gourz pour avoir regardé. Voilà, les paroles. Et là, c'est pas non plus d'espagnol, vu que c'est des Colombiens. Ils ont le nom d'un élément de batterie. Tom Bass, ça s'appelle. C'est Gaël, qui est grand leader Gaël, qui m'avait fait découvrir en me disant tiens, j'ai pris un LP pour toi, ça devrait te plaire. Bah, effectivement, ça m'a plu. Et du coup, là, j'y suis retourné sur la démo qui est sortie un peu plus tôt en 2016. Et j'ai redécouvert, donc, j'ai découvert des morceaux que, voilà, qui m'ont beaucoup plu, que j'ai décidé de passer ce soir. Donc, un morceau voilà, qui s'appelle Decidi, que ya estoy muerta. J'ai décidé que j'étais mort. Oui, c'est vrai. Mais moi, je dis, mais oui, bah, oui, c'est vrai. C'est très vrai. En plus, le chant est au féminin. Voilà, elle s'appelle Louisa. Je fais des gros bisous à toutes les Louisas qui nous écoutent. Bien. Non, mais ouais, c'est vrai que ce soir, on a quand même, on est sur un truc très, très, très printanier, quoi. Printanier, c'est ouais. Ça. C'est la ça. Mort, ça. La renaissance. Gerbé dans le château d'Axe et tout. Pourvu que ça dure. Tom Bass, on vient de Radio Campus Lille. Tom Bass, ça vous a plu? Ouais. Bien, bon. Les Belges, on n'a pas encore passé de Belges là, non, c'est pas possible. Bah, si. Bah, c'est les Belges de, les premiers Belges de la soirée, Travolta, qui vont jouer ce vendredi au Piz. Alors, ça va être encore le gros concert, ouais, gentil et tout, plein de hippies. Il y aura Travolta, donc So Close, c'est un groupe Power Violence que je ne connais pas. Facepalm Nation, que je ne connais pas non plus. Eux, ils font du Fastcore Violence, c'est pas pareil. Hein. C'est power rapide. Et fast score, c'est pas. Hein, voilà. Et il y aura Possible Damage, qui eux font du grinding power violence. C'est... Grinding. Ouais, ça grind. Alors que les autres, ils grindent pas. Tu vois. Bon. Donc ces quatre groupes-là, vu comment c'est décrit, à mon avis, en une demi-heure, les 4 sets, ils sont torchés. Quoi, et, bon, voilà. Hein. Ouais. Et ça sera au Piz ce vendredi. Bah voilà, à partir de 19h, 8€, enfin vous connaissez le truc. Et puis maintenant voici donc une petite reprise, enfin que ça commence comme une reprise, et après ça n'en est plus une. Travolta, I Wanna Be Dumb. Oui, c'est vrai que c'est mieux des fois d'être con. Hein. 24 hours to go. I wanna be fucking stupid. Ah bah voilà, c'est fini. Comme on disait, ouais. Ça passe un petit rayon de soleil et après, oui, boum, beau, une grosse drache. C'était Travolta sur les ondes de Radio Campus. Merci, cher ami. Il y a quelqu'un qui enchaîne notre... Moi, je veux bien. Bah, allez, vas-y, je t'en prie. Je veux bien. Voilà. Bah, du coup... On n'a rien préparé. Hein. C'est clair. Bah non, tu discutais. C'était trop court en même temps. C'est salaud, alors. Je me suis baladée sur le label de Disco San Fermos. Et j'ai trouvé un groupe qui s'appelait Blessure. Je me suis dit, oh tiens, un truc nouveau et tout. Et bien. En fait, t'en as déjà passé. On a déjà passé, ouais. Mais bon, c'était cool. Du coup, Blessure, c'est un groupe de punk oi basque. Leur musique, elle me fait penser un peu à Cran. Ça chante à la fois en basque et en français. Et les chœurs sont faits pour que tout le monde chante derrière, en fait. C'est un groupe d'oi en fait. Et chante chante en français en plus, non? Mais avec un bon accent quand même. Ouais, et de temps en temps, ça chante en basque aussi, mais ouais. Et donc, j'ai choisi le morceau Ça suffit, de Blessure. Déjà, c'est Pyongyang City Rockers numéro 334. Bravo. Que vous écoutez actuellement avec une équipe au taquet. Ils ont tout préparé là. C'est fait clair. En finesse. C'est vraiment comme ça. On a des choses à raconter. On a tout préparé, mais je me suis quand même fait avoir. Mais j'ai quand même passé ce morceau. Je me suis fait avoir dans le sens où mes compatriotes de Pyongyang City Rockers ont déjà passé. Le morceau que je vais passer, mais en fait, je m'en fous. Parce que du coup, il est vachement en lien avec le morceau que Célia a passé, donc c'est un morceau qui s'appelle Blessure. Puis après, en ce moment, on a aussi un peu Entre deux averses. C'est un peu le nom aussi du deux titres qui va passer. Du deux titres, donc du mais groupe. Tu mens, il y a du soleil. Ouais, mais entre deux averses. Enfin, je sais pas, voilà, on habite dans le Nord-Pas-de-Calais en ce moment. On vit un harcèlement météorologique. Mais pas du tout, c'est un temps normal. Un temps normal. Il y a eu de la grêle encore tout à l'heure, t'as vu? Ouais, c'est bien ce que je dis. Donc, voilà, le groupe donc, s'appelle Grisaille. Ils nous viennent de Brest. Il y a deux membres de Syndrome 81 et Mentalité 81, Jackie et Fab. Et voilà, ils ont sorti un petit deux titres en décembre. Le célèbre Jackie Cadieu. Le célèbre, The Most and Beautiful Jackie. Et donc le titre, comme on disait, Blessure. Je suis Et voilà. C'est bien, pendant que la musique passe, on se raconte nos petits malheurs. Voilà. Ouais. Les blessures qui guérissent, tout ça. Le mot à tapis. Voilà. Dans la grisaille. Dans la grisaille, tout ça. Et moi, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais les blessures, je les vois dans un pays un peu lointain, de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, j'arrête pas de penser à ce groupe de Suédois malheureusement disparu, Genocide SS. Allez savoir pourquoi. Pourtant, rien ne devrait m'y disposer, vu que nous vivons dans un pays démocratique qui est du bon côté, où on n'empêche pas les gens d'avoir une opinion qui est dissidente de ce qui se dit sur les médias. D'ailleurs, nous-mêmes, là, on parle dans un média, donc on devrait être content. Mais n'empêche que dès qu'il s'agit de parler de Palestine, de ce qui se passe à Gaza, tout de suite, ça vire au difficile. Hein. Compliqué. Bref, puisque c'est comme ça, et puisque le massacre continue... malgré le fait que tu as quand même des manifestations monstrueuses, il paraît qu'à Londres, entre autres, il y a d'énormes manifs toutes les semaines, quoi. C'est un peu moins le cas en France, mais il y a quand même pas mal de gens qui. Régulièrement des manifs en France. Ouais. Mais bon, il y a quand même une majorité de la population qui est contre ce qui se passe actuellement. On voit quand même un génocide se dérouler sous nos yeux. Il y a toujours des gens qui peuvent nous téléphoner au 03 62 26 89 18 pour nous dire non, c'est pas un génocide. Enfin, vous vous trompez, ou alors salaud d'antisémite. Bref, je retourne à mes Suédois qui, eux, ne parlaient que de morts et de bastons et des fois de moto aussi. Genocide SS, ça date de 99. Voici Victory or Genocide, enchaîné avec... Dead in the Shadows, mort dans l'ombre, et ouais. Go! Go! Go! Quand même un petit fade out. Ouh. Ouais, parce qu'en fait, ouais, j'ai été obligé de mettre les deux titres parce qu'en fait, quand on écoute bien, on s'aperçoit que l'oreille gauche, c'est encore le premier titre qui finit, alors que dans l'oreille droite, c'est le deuxième qui commence. Et quand tu mets ça dans Audacity, tu le vois bien. Hein, et, putain, mais merde, connard. Voilà. Eh ben ouais. Ça s'enchaîne bien les deux. Ça s'enchaîne bien du coup. Oui. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 334 sur Campus 106,6. Ah bah je vais rester dans un groupe avec un son un peu fumé. Fumons. Je vais mettre Uninge. C'est un groupe de crosspunk de Liège avec des membres de Hiatus. Ouais. Ils ont autoproduit deux démos et sorti deux LP sur le label Nabat. Bah pas moi, mais j'ai découvert ça grâce à Yuki. Ouais. Ah, qui bah est oui. Pote avec toute cette équipe-là. Bonjour Yuki. On parle de nos copains ce soir et nos copines aussi. C'est ouais, ça. J'ai des patchs Unidge, c'est Tomoï qui m'en avait filé, mais je connaissais pas. Mais il a fait écouter, mais c'est vachement bien. Mais c'est la même cool. Équipe aussi. Bonjour Tomoï. Bonjour Tomoï. Et donc j'ai choisi le morceau Bon à rien du LP Crime and Punishment sorti en 98. Oh punaise. Déjà. Ouais, ouais. Ouais. C'était sur la fin de Unidge. Ouais, ouais. Bon, bah c'est tout. Même à un sommet de la musique des années 90. Ah, c'était mon. Je veux pas dire. C'était trop bien. Je suis pas connu à l'époque. Mais... C'est curieux. Bonjour. Eh, bonjour. Allez, on va en prendre une petite altercation là, dans la face avec des gens d'altercation de Prague, voilà, qui nous font un très bon chaos punk. Et ils ont une démo qui est sortie, qui est éponyme. Et j'ai beaucoup aimé les thèmes évoqués dans cette démo. Et j'en ai choisi un en particulier qui s'appelle Ah non, mais je suis pas homophobe, mais je voudrais dire que. Et donc, bon, effectivement, voilà, on aura bien compris que. Parce que voilà, le truc qu'on veut dire. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Clairement, voilà, que voilà, les gens qui disent souvent je suis pas homophobe, ou je suis pas raciste, ou je suis pas comme ça, mais c'est que voilà, ils le sont. Voilà. Il y a un mais, hein, quand même. Il y a un mais. C'est le dernier mot qui est important. Tout à fait. Altercation sur les ondes de Radio Campus Lille. Eh, t'as pas dit le titre? Ah bah si, not homophobe, but. Voilà. C'est Pyro Gang Sir Rockers, numéro 334 sur Campus 106,6 de con. Bah ouais, on parlait de Bandcamp et en fait, on est tous pareils. Quand on va sur Bandcamp, on met de l'argent uniquement à ceux qui les mettent à prix libre. Par contre, ceux qui mettent leurs titres. Il y en a de plus en plus qui ne sont pas à prix libre, hein, quand même, hein, je remarque. Non. Moi, je trouve que ça se maintient, ça. Souvent, dès qu'il y a un label un peu, ils essaient quand même de récupérer 2-3 balles. Bah, c'est normal. Par contre, il y a beaucoup de vols, hein. ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, on va arrêter les voleurs. Voilà. ce qui s'arrête pas, c'est les concerts. On a complètement oublié de parler d'autres copains et copines. Il y a Bâtard qui sont en train de, je pense, viennent de commencer ou ça devrait pas tarder. À la Malterie, à Lille, boulevard Victor Hugo. Bâtard qui sont en première partie de Wired, qui même sont en première partie de Lovatarax. Donc, concert plutôt cold. Hein, voilà. Et moi non plus, c'est comme toi, hein, Célia, j'ai pas encore réussi à les voir. Ah ouais, c'est vachement bien. Hein. Il vous parle de laver le linge, mais voilà, trop de ouf. C'est un condensé de Cold Wave et de Spoken Word, me dit-on. Enfin, me dit Shpunk.org. Je sais pas pourquoi il écrit ça. Il y a plein de choses, c'est riche. Avec un groupe interchangeable. En fait. carrément avec deux line-up et tout. Mais là, a priori, je pense que ça va se jouer avec les gens de Wired, a priori. Ok. Bien. Voilà. Et ben donc si vous voulez en savoir plus, vous pointez à la Malterie dès maintenant. Enfin, vous courez quoi. Et puis ça vous coûtera 10 euros à l'entrée, sauf si c'est plein. Des fois c'est guichet fermé, comme on dit. Et donc, pour nous calmer un petit peu après ces sauvageries depuis le début de l'émission, je vais passer un titre de Love Atarax, Treumann. Love Atarax qui sont de Paris, et ça s'entend parce que l'allemand avec un accent français, moi j'adore ça. Love Atarax qui vont jouer bientôt, enfin dans pas longtemps là. À la Malterie. On y va! Que ça finissait, mais en fait, non. Et oui, alors moi je comprends un petit peu l'allemand, mais là je suis perdu. plus. Mais... Ouais, voilà. Ouais. Allez, il nous reste encore 13 minutes. 13 minutes. On va devoir passer en cours au moins 5 ou 6 titres, sinon ça va pas. Ouais, je crois. Hein. Bah alors, je vais changer le groupe que je voulais mettre après. Allez. Je vais mettre La Sécurité. C'est un groupe québécois qui oscille entre la new wave et le post-punk et le hard punk. Oh, j'ai découvert ce que c'était le hard punk aujourd'hui. Le hard punk, c'est quoi? Je sais plus. Je sais pas, j'avais déjà passé un groupe comme ça. Je sais plus. C'est quoi, c'est du hard rock avec du punk ou quoi, c'est quoi? Non, c'est art. Ah oui, art punk. Moi j'ai un groupe comme ça aussi dans la liste au cas où. Mais ouais, j'ai pas trop compris. Je me demande si ça. C'est parce qu'il lit peut-être un peu les, je sais pas, les visuels et tout, non? Il y a ouais, pas un délire comme ça? Il y a peut-être un délire visuel. Et donc ils ont sorti un premier album qui s'appelle Stay Safe, qui est sorti en 2023, et ça donne aussi envie de danser. Donc voilà. Let's go. La sécurité. Éducatif. En fait, c'est de l'expé, quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'est quoi la définition que t'avais? Moi, j'aimais bien. Donc, du coup, prenez votre stylo, vos papiers, votre smartphone, auditeur si de Radio Campus. Wikipédia, le art punk. Et bah, c'est écrit sur Wikipédia. À skip, d'après Wiki. D'après Wiki, l'art punk ou avant-punk désigne un genre musical de punk rock et post-punk avec un penchant expérimental ou en lien avec l'école d'art, la critique d'art ou la musique d'avant-garde. Voilà. Wow. Donc en fait, si tu fais du chuka punk, tu sais, vraiment du le plus français possible, mais que tu fais de la critique d'art dedans dans les textes, eh ben c'est bon, c'est du art punk. Ouais. Voilà. Moi j'aime bien quand même hein, l'esthétique, mais c'est vrai que la définition elle est un peu pompeuse. Je sais pas trop si on peut. Pompeuse ouais. Bastard. Mm. Mais du coup, j'avais donné envie de mettre autre chose du coup. Donc, ben, vas-y, mets autre chose. Allez, on va prendre un truc, on va dire plus classique. On va envoyer du street punk un peu là. Mais pas n'importe quel groupe de street punk, Harry. Demi Toys, qui viennent de Tsingtao, en Chine, et qui vont venir au CCL dans pas longtemps. Un concert que j'organise avec mes gens de Kawaii Molotov et d'autres personnes. Il va y avoir des super groupes tels que Agua, Chaos Kuro, et puis mon petit groupe pour ouvrir, et puis un DJ pour finir la soirée, DJ E4. Voilà, ça va être en t'as, soutien. T'as dit la date? Ouais, c'est le 12 mai. D'accord. Ouais, j'ai dit un autre truc. Non. Non? Voilà, c'est un dimanche, ça va être bien, on va commencer pas trop tard. Chose, et puis, ceux qui veulent finir tard, et ben ils pourront finir tard, ça va être cool. Voilà, Demi Toys, le morceau Street c'est Punk. C'est des moitiés Girl. De jouets, c'est ça? Demi Toys, c'est des jouets factices. Ah. C'est pas vraiment des jouets, enfin voilà. C'est un délire un peu, c'est Riot Girl, donc c'est en mode, tu vois, on n'est pas des jouets quoi. Jouets factices, bam! C'est un peu ça le délire, je crois. J'en vois. Let's go. C'est dur la vie d'artiste. Ouais, la vie d'artiste. Voilà, ouais. Ouais. Bah, bref, donc du coup, voilà. Très, très hâte d'accueillir ces gens, de les faire dormir. Voilà. Faut que tu passes un truc. Ouais, sorti chez Mevzu Records, le label de Istanbul, en janvier dernier. Un mini-album de Karnabahar, ça veut dire chou-fleur en turc. Ouais, il y a ces 6 chansons qui ont été écrites entre 2019 et 2022. Les titres sont en turc, en espagnol, en néerlandais et en binaire. Alors, le néerlandais, c'est parce qu'en fait, il y a un turc dans l'eau et les autres, c'est des néerlandais. Ils habitent tous aux Pays-Bas. Et alors, il y a un titre qui est en binaire. Je veux dire, voilà. C'est oui, du le coup, cinquième. Il fait 0011. Ouais, le cinquième morceau du mini album est titré 10101001001001. Mais on qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Au départ, j'ai bêtement fait la conversion depuis le binaire jusqu'en décimal. Ah oui. Ça donne 44203. Bon, c'est peut-être un code postal. Donc je cherche, en France, c'est Temple de Bretagne, en Loire-Atlantique, vous connaissez, où il ne semble pas se passer grand-chose. C'est un peu comme dans le coin ici, à Aniche ou à Villers-en-Cauchy, tu vois, il y a des trucs, tu connais pas Villers-en-Cauchy. Non. Non, bah voilà, c'est normal, ici, il passe rien. Théorie est la bonne, au moins. En Allemagne, c'est Dortmund, 44203, donc enfin, un quartier de Dortmund, donc... Enfin bref, dans tous les bleds, comme dans tous les pays comme ça, où tu as des codes à 5 chiffres, c'est pas folichon, quoi. Donc, par contre, si... T'as fait que t'as regardé avec combien de je m'avise, sa maquette. Je m'avise que cette suite de 0 et de 1 est constituée de 16 chiffres. Ça veut dire que je peux la diviser en 4 blocs de 4 caractères. Et donc, je vais pouvoir en faire la conversion depuis le binaire vers l'hexadécimal de façon à obtenir une suite de 4 lettres. Ce qui traduit donc 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 en ACAB. Mon Dieu. Mais ouais, hey, voilà. Yeah. Faut être matheux à notre époque pour les comprendre l'époque. Hein, ouais. Voilà. Tout ceci me mène donc à vous présenter le chou-fleur anti-flic Carnabar. À skip, mais. Alors, inspecteur Stéphane, que nous arriverons vous comme enquête la semaine prochaine pour l'instant, je ne sais pas, mais j'ai trouvé un truc encore qui sera saignant. Il est 20h59 et 43 secondes. On a juste le temps de vous dire au revoir la semaine prochaine. Ça sera le 335 depuis Angus Tiro Curse. Et là, on leur dit 1, 0, 0, 1, oui. 1, 0, 0, 0. Vite ACAB. Salut. Salut. Salut. Salut. À cap.